Double X on the track. Quand il fait noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. Je veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. Sors de la galère, sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère avant de retourner à la poussière. Hey. J'ai rêvé qu'on était gavé. Mercedes GLA, Charis, on avait les clavés. Charis, dame de luxe, t'as pas de Vuka. Non, je te ramène au SAV. Quand le produit est trop tuba, j'ai la jura. Comme Vegeta, la police suit mon train de vie, même via mon Insta. La justice a le ventre arrondi. Tous mes frères sortent en condi. Je n'écoute plus les ondis. Je danse comme une douille qui rebondit. Du zoo comme Mougli, je vais les Mougou pour pas qu'ils oublient. Ouais. Je vais tuer Goblins, arracher Cuban Links. Quand il fait noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. Je veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. Sors de la galère, sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère avant de retourner à la poussière. Hey. La nourrice veut me donner le biberon. Moi je veux qu'elle garde mes litrons. Je veux des bouts de sang de piton. Rien à foutre, j'vais leur mettre des petits ponts. Ça défouraille sur leur mère. Les douilles plein l'univers. J'te paye pas mais tu me viscères. Non. Je me réveille avec la rage. Avec la rage de la veille. Dans une main j'ai l'oseille. Dans l'autre main j'ai la bouteille. J'confonds le giro des keufs et celui de l'ambulance. Je veux juste que tu sois ma meuf. Je veux juste que tu m'ambiances. Quand il fait noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. Je veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. Sors de la galère, sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère avant de retourner à la poussière. Quand il fait noir dans mon hémisphère, le soleil s'en va pour éclairer d'autres frères. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère. Je veux une gauche, j'ai char pour passer l'hiver. Sors de la galère, sors de la galère. Fini la misère, fini la misère. Fuck la galère, faut que je sorte de la misère avant de retourner à la poussière. Hey.